Bravo pour les enfants. Bravo pour le couplet. Vous chantez Noël en juillet, failli, c'est s'y prendre à l'avance. Cela te fait rire, Johan. Mais quoi, tout le monde n'est pas artiste comme toi. Et ce ne sont point bagatelles que d'apprendre le chant de ces jeunes cervelles. Bonjour Sophie, et Charlotte n'est pas loin. En effet, monsieur Schmitt, puisque nous prenons soin, Charlotte et moi, de la famille. Hein, le superbe temps, viens-tu dans un instant? Ma soeur s'habille pour le bal. Oui, ce bal d'amis et de parents que l'on donne à Wetzlar. On vient prendre Charlotte. C'est dans cela qu'on fait la mise à redingote. Steiner a retenu le cheval du brasseur. Hoffmann a sa calèche et Gulden sa berline. Enfin, monsieur Werther m'a paru moins rêveur. Fort bien ce jeune homme. Oui, mais pas fort en cuisine. Il est instruit, très distingué. Un peu mélancolique. Oh, certes, jamais gai. Le prince lui promet, dit-on, une ambassade. Il l'estime et lui veut du bien. Un diplomate, ah, ça ne vaut rien à table. Tout à l'heure, au raisin. Oui, tu nous dois une revanche. Encore, dame. Et puis c'est le jour des écrevisses, grosse comme le bras, Gretchen nous l'a promis. Pour les gourmands, les deux complices. Nous la verrons ce soir. Nous voulons faire un petit tour sur le rempart. Pour s'ouvrir l'appétit. Toujours il exagère. Allons bien, il est tard. À propos, quand Albert revient-il? Je l'ignore. Il ne m'en parle pas encore. Mais il m'écrit que ses affaires vont au mieux. Parfait, Albert est un garçon brave et fidèle. C'est un mari modèle pour ta Charlotte. Et nous, les vieux, nous danserons à perdre haleine à la noce prochaine. Et bonsoir les enfants. Bonsoir les enfants. À tantôt. À tantôt, oui. Bonsoir, bonsoir. Sophie, il faut aller voir ce que fait Charlotte.